la chance son tuyau d'ambre se renversa en arrière, cacha sa tête dans ses mains, et l'on ne vit plus que son cou blanc, qu'un fou rire faisait danser comme un sac rempli de perles.